Nous sommes le 3 décembre. Nous sommes le 3 décembre et je vais essayer de vous causer un peu des blocages manifestations qui peuvent avoir lieu en France par les lycéens, lycéennes qui se mobilisent. Et du coup, voilà, j'ai pas vraiment préparé mon sujet. Je vais juste lire un article de Ouest France. Oui, bouh, c'est nul, je sais. J'espère que vous avez un peu des meilleurs moyens d'information que moi. Mais quand même, je trouve que c'est important d'en parler parce que il se passe beaucoup, beaucoup de choses en ce moment, notamment les gilets jaunes, tout ça, qui prennent beaucoup de place dans les médias. Et qu'en vrai, on oublie un petit peu la mobilisation lycéenne. Et que si j'avais envie de vous parler de ça, c'est parce que ce matin, on a reçu l'info comme quoi il y avait eu des blocages de lycée à Nantes et qu'il y avait au moins 5 interpellations. Voilà. Et que du coup, il y a besoin en vrai de soutien et de suivi. Et du coup, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau des lycées? Et donc, Ouest France nous apporte un peu de réponse, hein, même si voilà, ça reste Ouest France. Donc, le ministère de l'Éducation a indiqué que plus d'une centaine de lycées sont totalement ou partiellement bloqués ce lundi 3 décembre en France. Donc, les syndicats lycéens, pour ce que ça vaut, appellent à se mobiliser contre la réforme du bac et aussi la réforme du lycée et de la plateforme Parcoursup. Donc, en fait, c'est un peu pour partie, on va dire, la suite des mouvements étudiants qui ont pu avoir lieu l'année dernière. Puis en plus se rajoute à ça effectivement la réforme du bac et du lycée, notamment aussi des lycées pro. Bref, plus d'une centaine donc de lycées étaient bloqués ce lundi, partiellement ou totalement. Les mots d'ordre des syndicats évoquent les réformes du bac, du lycée, la plateforme d'accès aux études supérieures. Et aussi du coup du soutien au mouvement social de contestation aux multiples revendications. Bon, voilà, c'est un peu vaste, mais je pense que c'est assez vrai. Alors, dans l'Ouest, des manifestations ont eu lieu à Brest, Morlaix, Avranches, Alonne, Laval, et à Nantes, la police a interpellé, du coup, là, Ouest France dit 4 jeunes autour du lycée Camus, nous, on nous disait 5, bref, voilà. Un filtrage des entrées y avait été installé et des feux de poubelle allumés. Alors après, ça parle de l'Académie de Toulouse, particulièrement impactée, selon les premières remontées des rectorats, parmi les académies les plus touchées figurent celles de Toulouse, où une quarantaine d'établissements a été perturbée, donc big up Toulouse, bravo. À Toulouse, environ 700 lycéens venus de plusieurs établissements convergeaient à la mi-journée dans le centre-ville. Après, ils disent, après avoir commis plusieurs dégradations contre les boutiques. Donc voilà, les lycéens, lycéennes sont bien vénères aussi. Donc plusieurs lycées bloqués dès 8h avec des barrages, voilà, du blocage. Montauban aussi, 150 lycéens ont manifesté avec les gilets jaunes. Des tensions régulières en région parisienne. Dans l'académie de Créteil, les tensions se concentrent à l'extérieur. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, à proximité des établissements, a précisé le rectorat de Créteil. Donc une vingtaine d'établissements étaient concernés. Pas mal, pas mal. À Aubervilliers, une voiture a été incendiée, un magasin de téléphonie pillé. Près de 200 jeunes avaient investi la rue, dont une poignée portait des gilets jaunes. Donc voilà, on voit que la grogne, elle n'est pas que chez les gilets jaunes et pas que les samedis. Et pas que dans des blocages, on va dire, routiers ou quoi. Mais que les lycéens et lycéennes sont à peu près dans la même ambiance. Je sais pas si j'oserais dire dans la même mentalité, parce que voilà, ça porte à débat, mais voilà. Et du coup, Aubervilliers, près de 200 jeunes aussi, avaient investi la rue. Je l'ai déjà dit, non? Peut-être. Bref. Voilà, Paris, une dizaine de tentatives de blocage, mais la plupart ont été levées rapidement. On espère pour eux que c'est pas parce qu'il y a eu des interventions violentes de la part des forces de l'ordre, mais ce serait pas étonnant. Voilà, voilà. Du coup, ils disent que à Paris, il y avait aucun établissement qui était entièrement bloqué. Même si 6 ou 7 avaient des blocages filtrants. Bref, ça a l'air d'être un peu la galère à Paris, mais bon, c'est pas étonnant. Ensuite, ils disent plusieurs rassemblements en Nouvelle-Aquitaine. Des manifestations ont également mobilisé en Nouvelle-Aquitaine plusieurs milliers de lycéens dans les rues de Bordeaux, La Rochelle, Pau ou encore Périgueux, où des affrontements ont eu lieu avec la police, qui a procédé à plusieurs interpellations. Solidarité. Voilà, à Limoges, les lycéens ont reçu le soutien d'une cinquantaine d'agriculteurs qui les ont rejoints avec une dizaine de tracteurs devant la préfecture, où ils ont déversé du fumier. Pas mal, pas mal. À Dijon, deux interpellations et un policier blessé, indique Ouest France. Jusqu'à 1000 jeunes ont manifesté lundi matin dans les rues de Dijon. Des violences ont éclaté en marge du défilé. Les forces de l'ordre répliquant à des jets de pierre, des tirs, à part des tirs de grenades lacrymogènes. Peut-être plus, hein, voilà, mais ça, on ne saura pas. Et du coup, il y a eu au moins deux interpellations à Dijon, où ça a l'air d'être bien motivé aussi, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Selon la préfecture, donc toujours à Dijon, hein, j'imagine, un policier a été blessé, mais on s'en fout un peu, voilà. D'autres manifestations étaient à signaler, ailleurs en Bourgogne, notamment à Joigny et à Avallon, voilà, dans l'Yonne. Ensuite, ça nous dit une lycéenne blessée à Lyon et trois interpellations. Bah oui, parce qu'on se doute bien que les blessés, il y en a aussi et surtout du côté des lycéens et lycéennes. À Lyon et dans sa banlieue, plusieurs établissements sont aussi touchés par des actions de blocage répondant à l'appel de plusieurs syndicats lycéens. Bon, bref, les pompiers ont été caillassés par endroits, sont intervenus pour des feux de poubelle et une voiture qui a cramé aussi. Et à Villeurbanne dans l'8e arrondissement de Lyon et à Bron, oui voilà, bref, les voitures incendiées. Les forces de l'ordre ont procédé à trois interpellations et une lycéenne a été blessée, mais on ne sait pas exactement, enfin il n'y a pas de détails dans cet article. De toute façon, il y a beaucoup de blessés, il y a eu aussi des blessés graves, je sais, notamment à Tours, mais pas que. Au niveau des lycéens ces derniers jours. Bref. Le Sud est également touché par la mobilisation. Pour conclure, hein, l'article de Ouest France dit à Clermont-Ferrand, la police a effectué trois interpellations en marge d'une manifestation d'environ 400 lycéens et lycéennes, où il y a eu des jets de projectiles, des affrontements avec les forces de l'ordre. Des lycéens et lycéennes se sont mobilisés aussi dans l'Ain et dans la Loire, où des interpellations ont eu lieu. Voilà, mais aussi en Isère ou en Allier, où une centaine de lycéens et lycéennes étaient concernés par des actions de blocage. Donc en vrai, ça fait quand même une belle mobilisation. Et ça termine par à Nice aussi. Hein. Milliers de lycéens et lycéennes ont manifesté en soutien aux Gilets jaunes, au cri de Macron démission. Donc ça nous fait un résumé assez exhaustif de ce qui a pu se passer en France, même si je pense qu'il ne l'est pas totalement. Et donc, ben moi j'ai l'impression que c'est quand même une belle mobilisation, quoi. Il y a énormément de villes qui sont touchées, énormément de bahuts qui étaient bloqués, ou en tout cas au moins des lycéens et lycéennes qui défilaient dans les rues, quoi. Dans quasiment toutes les grandes villes de France, hein, c'est chouette. Donc voilà, on leur dit bravo et puis bah bonne chance, bon courage, continuez comme ça. Et je sais pas trop quoi dire d'autre. Ouais. Peut-être on peut rajouter que les médias ont, enfin qu'une partie des médias ont dit que les lycéens étaient manipulés par des adultes. Comme d'habitude. Voilà. Et que du coup on peut répondre aux médias que les lycéens et lycéennes n'ont pas besoin d'adultes pour comprendre ce qui leur arrive et pour comprendre que leur condition de lycéen et lycéenne est assez somme toute pourrave et à bien des égards, même si à certains autres, peut-être t'es protégé quand t'es lycéen, lycéenne, protégé d'un certain nombre de trucs, mais en tout cas, tu te prends quand même pas mal de trucs dans la gueule. Et qu'il n'y a pas forcément besoin d'adultes pour s'occuper de son avenir. Bon, c'est tout ce que j'avais envie de rajouter, quoi. Ouais, et puis te dire que ouais, c'est ça, c'est pas. Enfin, là, je vois LCI qui titre Gilets jaunes, la contagion au lycée. Et t'as envie de dire, ben en fait, c'est pas tant les Gilets jaunes qui contaminent les lycéens, lycéennes, que les lycéens, lycéennes qui se sentent solidaires de ce qu'ils peuvent voir des actions de certains Gilets jaunes, quoi. Et qui se battent aussi depuis un moment. Enfin. Ils ont pas attendu les Gilets jaunes pour se mobiliser, les lycéens, lycéennes. C'est quand même sûr, quoi. Oui, c'est sûr que ce truc des gilets jaunes, bon, on en reparlera un tout petit peu après, mais c'est quand même pas un mouvement social de fond dans la durée, alors que effectivement les mouvements lycéens, il y en a depuis des années, quoi. Là, on voit que le prisme médiatique est totalement pété. Enfin, c'est un peu pathétique, quoi. C'est clair. Pourrait-on conclure par les médias sont pathétiques? Oui, c'est bien comme conclusion. Les médias mainstream sont pathétiques. Est-ce qu'on se met un peu de musique avant de revenir? On est en train d'essayer de vous mettre un petit peu de musique et puis comme plein d'autres fois à Radio Cayenne, bon, les outils sont pas forcément avec nous, mais nous vaincrons les outils et on va réussir VLC et casser. Ça, Ça me fait penser à une émission de Radio Cayenne où VLC voulait pas passer une chanson qui s'appelait « Mon trou du cul est révolutionnaire ». C'était trop abusé. Là, VLC ne veut pas passer une autre chanson. Bon, on a envie de vous dire qu'on vous aime, qu'on est trop contents, contentes que vous nous écoutiez, que vous êtes quoi, une petite dizaine ce soir. C'est pas un gros record, mais on ne doute pas du fait que vous serez très nombreux en podcast. Ah, ça y est, la musique est arrivée. Allez, salut.